Je vais devoir céder le passage. À droite ? Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche ? Oui, réponse C. Non, réponse D.